Dossier 5. Livre page 67. Question A. Un petit conte de fées. Un petit conte de fées. Une belle oie se promène autour d'une fontaine dans un champ. Soudain, le grand méchant loup qui a faim cherche à droite et à gauche dans l'espoir de trouver une proie. Il voit la pauvre oie. Tout heureux, il saute de joie.